إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وعليكم السلام. Donc on est arrivé à la dernière fois, on avait expliqué qui on est obligé de respecter et d'honorer dans la religion. On avait parlé des sahaba, premièrement des prophètes, après des sahaba, après des tabi'un, وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانِ, les tabi'un, les élèves des sahaba et ceux qui les ont suivis dans leur bon exemple. D'accord? Et on avait expliqué tous les détails de ça. Maintenant, on va expliquer, maintenant le cheikh dit مَنْ يَجُوزُ نَقْدُهُمْ وَتَجْرِيحُهُمْ وَتَحْذِرُ النَّاسِ مِنْ ضَرَرِهُمْ. Donc on avait expliqué qu'en fait, tous ceux qui critiquent les sahaba ou qui attaquent les sahaba, ce sont des gens de bid'ah. Hein? Tout ça, c'est un des signes par lesquels on distingue les gens de bid'ah que les gens de sunnah. Peu importe lequel d'entre les sahaba, personne n'a le droit de le critiquer. Personne n'a le droit de le parler en mal ou de mentionner quoi que ce soit de mal à leur sujet. Et si quelqu'un fait ça, c'est un signe d'égarement. Même de mentionner ce qui s'est passé de mal entre les sahaba au sein de la fitna, on ne doit pas en parler, on ne doit pas entrer dans ça pour essayer d'attaquer ou de critiquer un d'entre les sahaba parce qu'ils sont tous des mujtahidoun. Ils ont tous fait un effort de jugement et s'ils se sont trompés, ils ont une récompense, mais s'ils ont un bon jugement, eh bien ils ont deux récompenses au lieu d'une, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Il a dit, من حكم فأخطأ فله أجر ومن أصاب فله أجران أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Donc celui qui a fait une bonne déduction, il a deux récompenses. Celui qui s'est trompé, il en a deux. Il a fait son effort, il a été sincère pour essayer de faire le bon jugement, pour arriver à la bonne conclusion, mais malheureusement il n'a pas atteint la bonne conclusion. Donc il a quand même une récompense pour l'effort qu'il a fait, parce qu'il est sincère. Et Allah leur a fait une tazkiya dans le Coran. Allah les a déclarés comme étant bien et juste et honnête dans le Coran. Alors, on n'a pas le droit par la suite de les critiquer. Et même par exemple, les ulama ont dit que Muawiyah, par exemple, certains parmi les gens d'Ira, ils critiquent Muawiyah, Ibn Abi Sufyan. Alors, les ulama ont dit, Muawiyah, c'est la porte des sahaba. C'est le rideau des sahaba. C'est la protection des sahaba. Si quelqu'un parle contre lui, eh bien, c'est la porte qui ouvre une porte pour insulter tous les autres parmi les sahaba. D'accord? Parce que Muawiyah était, on l'appelle Khalul Mu'minin, l'oncle des croyants. Pourquoi? Parce que sa sœur était mariée avec le prophète, Habiba. D'accord? Et on l'appelle aussi Katib Wahi Nabi. C'était un des scribes qui écrivait le Coran. Hein? Et c'était un parmi les Khulafa qui ont été les premiers à faire le jihad en mer, sur mer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé qu'il y avait une récompense spéciale pour celui qui va faire jihad sur la mer. Hein? Et beaucoup d'autres manaqib qu'il a, beaucoup d'autres choses qu'il a parmi les privilèges et les biens qu'il a. Donc si quelqu'un, vous entendez quelqu'un mentionner du mal et parler en mal de Mu'awiyah, sachez que celui-là, il faut s'en méfier, il est saint, une personne qui ouvre une porte d'égarement. Et... Non, ben, comme par exemple, les gens, ils pensent que Mu'awiyah était contre Ali, que Ali était contre Mu'awiyah, alors c'est pas ça. C'est une différence d'opinion et de jugement, c'est une question politique. Hein, ils ont fait leur ijtihad, ils ont pensé chacun qu'ils avaient la bonne opinion. Puis par la suite, Allah a réussi à unir les musulmans grâce à Al-Hassan, hein, Al-Hassan ibn Ali, le fils d'Ali, Hassan, et Al-Hassan et Mu'awiyah. Hassan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné le pouvoir volontairement à Mu'awiyah, dans le but de terminer la fitna et de réunir les musulmans. Et on a appelé cette année-là Am al-Jama'a, l'année de l'union. Et il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé déjà ça, parce qu'il a dit une fois que par celui-là, c'est-à-dire en parlant de Al-Hassan, le fils de Ali, mais par celui-là, il va y avoir deux grosses factions de Mahoma qui vont se réunir. Hein? Et effectivement, ça s'est passé au temps de Al-Hassan. Hein? Donc c'est ça. Donc Alhamdulillah, et puis après ça, donc Mu'awiyah a pris le khilafa, et puis, Alhamdulillah, la fitna s'est calmée, et puis, voilà, c'est ça. Alhamdulillah, puis, bon, il y a beaucoup de détails à ce sujet-là, mais comme on dit, étant donné qu'Allah a épargné nos mains de leur sang, alors que notre langue ne soit pas, qu'on en soit également épargné, nos langues, par nos langues, c'est-à-dire qu'on rentre pas dans la fitna nous-mêmes, avec nos langues, en parlant contre eux et en essayant de parler. De ce qui s'est passé de ces gens-là. Puis, beaucoup d'auteurs contemporains, parmi les écrivains actuels et penseurs, ont écrit sur ce qui s'est passé durant l'époque des Sahaba, de fitna entre eux. Et ils ont essayé d'interpréter les disputes qui sont passées entre certains des Sahaba à la lumière des différents courants politiques qui existent actuellement. Par exemple, la gauche, la droite, les socialistes, les capitalistes, des trucs comme ça. Et puis, ils ont décrit certains parmi les Sahaba avec des termes et des façons vraiment irrespectueuses. Hein, ils ont insulté plusieurs parmi les Sahaba, comme c'est Soto, par exemple, qui, dans plusieurs de ses livres, il a insulté directement Othman ibn Affan, et il a insulté d'autres parmi les Sahaba de toute façon. Donc, parmi les chouyouks, il y en a comme Cheikh Rabia qui a écrit un livre exprès pour expliquer comment cette Qutub a insulté les Sahaba, certains parmi les Sahaba, dans plusieurs de ses livres. Et ce livre-là, il est publié, mashallah. Donc, ça nous montre que certains parmi ces nouveaux soi-disant penseurs-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont accepté des théories, par exemple, socialistes. Et là, ils ont essayé d'interpréter l'islam à la lumière du socialisme. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une bid'a, comme vous savez, le socialisme islamique. D'accord? Donc, quand ils ont relu l'histoire islamique, ils ont essayé de la relire avec un regard socialiste. Essayer d'interpréter tout ce qui s'est passé comme étant des luttes entre les classes sociales, puis des différences entre les différentes classes sociales et tout. Donc, il a commencé à insulter des sahaba et à critiquer des choses qui se sont produites parce que ça ne rentre pas dans le scope ou la vision socialiste de la vision économique ou sociale ou je ne sais pas quoi encore. Donc, il est rentré dans une bid'a très grave et une chose très grave, c'est la critique des sahaba et l'attaque des sahaba. Que Allah nous aide et qu'il nous guide et qu'il nous écarte de ces gens-là. Donc maintenant, on va expliquer maintenant qui on a le droit de critiquer et qui on a le droit de blâmer et de qui on a le droit d'avertir les gens contre le mal qui sort de ces gens-là. Le cheikh il dit أولاً يجوز بل يجب الكلام في أهل البدع والتحذير منهم ومن بدعهم أفرادا وجماعات الماضون منهم والحاضرون من الخوارج والروافض والجهمية والمرجئة والكرامية وأهل الكلام الذين جرهم علم الكلام إلى عقائد فاسدة مثل تعطيل صفات الله أو بعضها فهؤلاء يجب التحذير منهم ومن كتبهم وكذلك من صار على نهجهم من الفرق الجماعات المعاصرة ممن باين أهل التوحيد والسنة ونبذهم وجانب مناهجهم بل حاربها ونفر عنها وعن أهلها ويلحق بهم من يناصرهم ويدافع عنهم ويذكر محاسنهم ويشيد بها ويشيد بشخصياتهم وزعمائهم وقد يفضل مناهجهم على منهج أهل التوحيد والسنة والجماعة. Donc, premièrement, il dit, il est permis, même s'il est obligatoire de parler au sujet des gens, de bid'a, et d'avertir à leur sujet, et de leur bid'a, qu'ils soient des individus ou des groupes, qu'ils soient des groupes du passé ou des groupes contemporains. Il dit, parmi les khawarij, les groupes de bid'a comme les khawarij, les rawafid, hein, les rafidah, shi'a, الجهمية المرجئة الكرامية أهل الكلام الناس qui ont utilisé الكلام c'est-à-dire la logique grecque qui interprète l'islam selon des règles rationnelles soi-disant établies par les grecs ou par la philosophie hein, et qui à cause de ce ilm al-kalam ils ont été poussés vers des fausses croyances comme par exemple la négation des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de certaines d'entre ces attributs-là. Et donc le chef dit cela, il est obligatoire d'avertir contre eux et contre leurs livres, hein, d'avertir de leur livre, au sujet de leurs livres, et d'avertir tous ceux qui ont suivi leur méthodologie parmi les groupes contemporains. Comme par exemple, ceux que les gens du Tawhid et de la Sunna aujourd'hui ont repoussé et qui ont évité leur manhaj et qui ont combattu ces méthodologies-là qu'ils ont innovées. Comme par exemple, les groupes comme Ikhwan Muslimin, tous ces autres groupes-là, Jama'at al-Tablir, Hizb al-Tahrir, les autres Jama'at qui existent, que ce soit des partis politiques ou des partis islamiques ou des partis qui se disent religieux hein, parmi les musulmans, tous ces groupes-là, ils sont tous opposés contre les gens du Tawhid et de la Sunna. Donc, les ulama ont averti contre eux, ils les ont combattus, et ils disent que tous ceux qui les supportent et qui les défendent, parce que maintenant, aujourd'hui, il y a des gens, ils ne sont pas avec ces groupes-là, comme ils ne sont pas membres de ces groupes-là, physiquement, sauf que chaque fois qu'on les critique, ou qu'on montre des contradictions qu'ils ont eues avec la Sunna, eh bien, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à se faire les avocats de ces groupes-là. Et ils commencent à dire, ah, mais non, mais ils ont fait du bien, hein, ils ont fait ci, ils ont fait ça, il faut pas juste voir les défauts, hein. Donc, on a expliqué déjà que c'est pas une question de défauts, c'est une question que quand tu viens pour avertir les musulmans contre le mal, eh bien, tu n'as pas à mentionner du bien que ces gens-là ont fait. Parce que si tu mentionnes du bien en même temps que le mal, eh bien, c'est comme si, en réalité, tu détruis ce que tu es en train de faire. Donc, tu veux avertir les gens contre le mal, et en même temps, c'est comme si tu mentionnes le bien. Donc, tu les incites en même temps, et tu les encourages en même temps que tu les décourages. Donc, ça vient annuler exactement qu'est-ce que tu veux. Tu veux éviter que les gens, soient poussés vers ces gens-là, ou vers cette personne-là. Et tu veux les éloigner de cette personne-là, et en même temps, tu veux que, étant donné que lorsque cette personne-là va savoir que les gens vont s'éloigner d'elle, automatiquement, la personne va comprendre qu'elle doit se repenser. elle doit cesser la bid'a qu'elle est en train de faire, quand elle va comprendre que les gens ne veulent plus l'écouter, ne veulent plus profiter de cette personne, elle va comprendre que l'erreur qu'elle fait, elle doit l'abandonner, cette erreur-là. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles on doit l'écouter, et également ceux qui font ces bid'a-là. Et j'écoutais une explication d'un chef là dernièrement, Obeid al-Jadri, et il expliquait quelque chose au sujet de la da'wah, comment on fait, il doit faire preuve de hikmah quand on parle à des gens du bid'ah parfois. Et aussi des gens qui sont influencés par la bid'ah, mais qui ne sont pas directement avec les gens du bid'ah. Eh bien, le cheikh il disait qu'il ne faut pas arriver sur eux, puis il commence à dire par exemple, ça c'est un égaré, c'est un perdu, c'est un fils, c'est ça, hezbi, ou tu commences à l'éduquer par de toutes sortes de noms. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Tu utilises un peu de sagesse, et là tu dis par exemple, d'accord, est-ce que toi ce que tu cherches, ce que tu recherches, est-ce que c'est la sunna, ou bien tu ne veux pas la sunna? Donc la personne aussi en ce moment va te dire qu'elle veut la sunna. Donc si la personne elle suit par exemple une personne en particulier qui est parmi les gens de bid'ah, eh bien tu lui expliques et tu lui dis écoute, laisse tomber ces gens-là que tu prétends suivre et wa alaykum salam wa rahmatullah, mets-les de côté ces gens-là que tu dis bon par exemple tu suis des gens auxquels tu te réfères et que ce sont tu prends de ces gens-là, et moi de mon côté je vais faire la même chose. Je vais mettre de côté tous les chouyours que je suis et qui sont sur lui. Moi, je sais que ce sont des gens sur la sunna, sauf que lui, il ne veut pas les écouter de ces chouyours-là, d'accord? Et on va retourner au Coran et à la sunna et voir qu'est-ce que le Coran et la sunna disent. D'accord? Et là, tu lui ramènes les preuves. Hein? Et là, la personne, si elle est sincère réellement et qu'elle aime la sunna réellement, elle n'a pas le choix d'accepter. D'accord? Parce que les choses sont claires. Mais là, sauf que si la personne, une personne qui suit ses passions, là, bien entendu, elle ne voudra pas laisser tomber les personnes qu'elle suit. D'accord? Mais si la personne est sincère, puis qu'on lui montre les preuves, elle va, sans aucun doute, accepter la sunna. Donc, après, le chien, il dit donc, donc les gens qui les défendent, ces gens de bid'a qui mentionnent le bien qu'ils ont fait et tout ça, donc ces gens-là en réalité, ils ont contredit le madhhab de sunna al jama'a. Et toi tu essaies de faire comprendre à ces gens-là, écoute, c'est des soufis, comme Hassan al-Banna, c'est un soufi, Ash'ari, qu'on n'est pas le tawhid, qu'on n'est pas le da'wah. Quand il appelle les gens, on appelle les gens à une réforme sociale, hein, mais ne commence pas par le tawhid. Donc ils mettent les gens à aller faire le shirk dans les tombes et ils participent avec eux lorsqu'ils fêtent. Ils font la fête du prophète, ils font la réforme. Ils participent avec eux et tout ça. Donc, le fondement de cette da'wah qu'ils ont établie, ce n'est pas basé sur le tawhid, comme les prophètes, et ce n'est pas basé sur la sunna, hein, comme les ulama d'Ahl sunna, hein, se réfèrent pas aux ulama qui viennent avant. Donc, ça nous montre que, quand on les appelle au tawhid, on leur mentionne les explications, ils disent, ah, mais non, mais ils ont fait du bien. Les gens étaient assis dans les cafés, buvaient, jouaient aux cartes, ils perdaient leur temps. Et là, on les a pris, on les a sortis de ces cafés-là, on les a sortis de ces milieux-là, et là, on les a ramenés dans les mosquées. Et là, ils ont commencé à faire la prière, ils ont commencé à prier, à voir la barbe et tout, donc, on voit qu'on a fait du bien. Hein? Sauf que, subhanallah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti des cafés, ils ont amené à la mosquée, mais maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont avec les soufis, ils font du bida, ils font du shirk. Hein? Ça c'est pire encore que le péché qu'il faisait auparavant. Parce que quand il faisait le péché, il savait que c'était haram. Il pouvait se repentir. Maintenant ils font le shirk, ils font le bid'ah, ils croient que ça, ça les rapproche à Allah. Là, ils vont peut-être même vouloir commencer à déclarer les sociétés musulmanes comme étant des sociétés de coupe, commencer à poser des bombes, faire des attentats, essayer de renverser l'État, hein, créer la fitna dans les pays, commencer à faire le désordre, la paix, tout ça au nom de quoi? Au nom de l'islam. Donc, ils étaient bien mieux dans leur café, en train de boire le café, ils jouent aux cartes. Ça, c'est plus petit comme péché que de les voir en train de commettre des bid'ahs et des choses de ce genre. Ou bien d'aller en train de faire des bid'ahs, des écrits de soufis, ou des sortes de lieux dans les tombes, en train de chanter des anachides, ou faire des théâtres islamiques. Maintenant, ils font des théâtres islamiques, les pointes, hein, ils font des pièces de théâtre islamiques. Ils font maintenant ils appellent maintenant au féminisme islamique, hein. C'est vrai, wallah. Féminisme islamique. Là, ils interprètent le Coran à la lumière du féminisme. Ils ont fait une conférence hier, à l'Université de Montréal. Hein? J'en ai parlé parce que vous n'étiez pas encore arrivé. Donc, ça c'est un exemple. Je ne suis pas encore de la musique islamique, c'est anachite. Hein? Mais là, ils ont des vidéos qui se passent, là. Des vidéos, je ne sais pas si vous avez entendu parler de certains d'entre ces choses-là. Ce sont des vidéos, le gars il chante, il a une barbe bien rasée, puis il porte une veste en cravate, et là on le montre dans un contexte qu'il marche dans la rue, il chante, il rentre dans l'autobus, il voit une personne âgée qui est debout, il lui laisse sa place. Là, il rentre chez lui, une belle maison, une belle voiture, il voit sa mère, il embrasse sur la tête, et je sais pas quoi. Pour montrer une image, tu vois. Mais c'est, en même temps, il est en train de chanter. Il dit, ya Allah, des choses comme ça. Hein? Donc, c'est une sorte de pop. Maintenant, c'est devenu une pop star, c'est une pop star islamique. D'accord? Donc, c'est des exemples. Donc, essayez de prendre tout ce qui est séduisant dans la société des kuffars, chez les kuffars, de le prendre et de l'utiliser et de mettre le mot islamique dessus. Voilà, comme ça, Allah. Tout ce qui est possible d'utiliser au nom de l'islam est ici. Un d'entre eux, j'ai écouté une cassette du Cheikh Moukbel une fois, et là il disait à le Cheikh que un d'entre les gens qui étaient avec les Ikhwan, il a fait le Tawba, il a quitté ces gens-là, et puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à étudier de sunna et tout avec Cheikh Moukbel et d'autres. Et il a parlé de qu'est-ce qu'il faisait avant quand il était avec les Ikhwan. Donc il disait qu'il l'avait pris pour faire une pièce de théâtre islamique. Et là, il devait faire la pièce de théâtre au sujet de Moussa, hein, au sujet de Moïse. Donc lorsqu'ils étaient arrivés au moment où ils devaient faire là où Moïse a reçu les lois de l'étable, les lois avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il voulait prendre une voix pour imiter une voix qui est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, le jeune, il a dit, je m'excuse, mais moi je refuse de faire ça. Et là, il a dit, mais pourquoi? Il n'y a rien de mal, on veut juste faire ça. Donc là, il a refusé les accusations. C'est un exemple. Mais après, imaginez maintenant, quel musulman va jouer le rôle de Pharaon, hein? Et là, le musulman, il doit dire, إني أنا الله وبيني أنا ربكم الأعلى. نا يبتسمك على place de Pharaon et il va dire je suis votre Seigneur le très haut. Il dit mais non c'est pas vrai, c'est juste pour montrer que une pièce de théâtre, je fais semblant que je suis Pharaon. Hein? C'est grave, c'est mieux qu'il y ait un casque. C'est pour ça les ulama ils ont interdit le film Le Messager. Hein? Il y en a pour dire qu'un musulman va jouer le rôle de Abu Jahl ou Abu Lahab ou Abu Talib, ou bien qu'un kafir, hein, Queen, comment ça s'appelle, Anthony Queen, un kafir, joue le rôle de Hamza, ou qu'un autre musulman fasiq ou pécheur qui joue le rôle d'un autre parmi les sahabes, c'est haram, t'as pas le droit, tu te fais passer pour dire je suis Abu Bakr, ou je suis Hamza, ou je suis ça, alors que tu n'es pas. Hein? Et tu dis, je suis Abu Lahab alors que tu n'es pas. Et que tu sais que ce sont des shayatins, ce sont des adas, des ennemis de l'islam. Donc tu te fais passer pour eux. Et ils font plein de pièces de théâtre comme ça. Et les ulama, ils ont dit ça, c'est haram. Ils ont dit les pièces de théâtre et les films et les cinémas, c'est du mensonge. Donc, comment tu as accepté de jouer ces rôles-là? Donc, c'est juste un exemple de ce genre-là. Tu vas dire, c'est comme quelqu'un qui dit, mais non, on sait pas. On sait que c'est pas vrai. On sait que c'est pas vrai, donc c'est pas grave. Donc, quelqu'un qui disait, par exemple, lire Harry Potter, on sait que c'est pas vrai, que c'est pas bon, la magie, là. Pourquoi on va pas le lire? Et là, je me dis, imaginez que, par exemple, tu lis un livre qui te dit, qui te décrit une scène de Zina. Mais c'est pas vrai. Je sais que c'est pas vrai. Est-ce que tu m'as dit que c'est, parce que c'est pas vrai, c'est bien? Là, tu vois un livre qui te décrit des scènes de magie. Mais je sais que c'est pas vrai. Pour le Zina, c'est mauvais, mais pour le magie, c'est bien. Et alors que le sihr, c'est kufr, tandis que le zina, c'est seulement un péché. Donc, vous voyez la différence? Donc, là, c'est des exemples de ce qui se passe chez ces gens-là, Il y a aussi, quand un histoire qui est en ou en il parle aussi des jeunes dans l'objection. Mais vous voyez, ouais, j'ai entendu ça. Mais si il commence à faire ça, c'est des bédards. S'il est devenu musulman, puis qu'il commence à chanter, maintenant, il dit bon, avant il chantait des paroles qui n'ont pas rapport avec Allah ou avec la religion. Maintenant, il est devenu musulman, il chante, mais pour dire des choses à ce sujet de la religion. Je ne sais pas, mais je dis supposons. Les chansons qu'il faisait avant, si ce serait vrai, c'était moins haram que les chansons qu'il fait dans soi-disant religieuses. Que les chansons religieuses, c'est des débats. Alors que les chansons qu'ils faisaient avant, ils savaient que c'était haram. Beaucoup de musulmans, ils ne savent pas juger entre la bid'a et entre le péché. Ils mélangent les deux. Donc, on va en reparler de ça. Deuxièmement, qui on doit critiquer? Ar-ruwat ou ash-shuhud, idha kanu majruhina, jaza jarhuhum bi ijma' muslimin. بل هو واجب قال ذلك وحكاه النووي وابن تيمية رحمهم الله. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est obligatoire même de critiquer les témoins et les rapporteurs de hadith. Les rapporteurs de hadith et les témoins. Et ça c'est obligatoire selon et c'est permis selon le consensus des musulmans, des ulama. Et ça a été rapporté par An-Nawawi et Ibn Taymiyyah. Imaginez si on ne critique pas les témoins et qu'on ne critique pas les rapporteurs de hadith. N'importe qui dit un hadith, même si on sait que c'est un menteur, on ne le dit pas, on le cache. Ou que quelqu'un est un témoin mais qu'il ment. Donc on va se taire, on va dire oui, c'est correct, il a du bien. Il a du bien en lui, mais c'est un menteur, subhanallah, même s'il a du bien. Il va mentir dans son témoignage. C'est ça le danger du mensonge. Lorsque quelqu'un ment, même quand il dit la vérité, on ne le croit pas. Quand quelqu'un est un menteur, même quand il dit la vérité, on n'accepte pas sa parole. C'est ça le danger du mensonge. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Iyyakum wal kazib »« Inna al kazib yahdi ila al fujur » وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous préviens contre le mensonge, parce que le mensonge mène au péché, mène à la perversité, au mal. Et le mal, le péché, il mène vers l'enfer. Et le serviteur, il continuera à mentir et avoir l'intention de mentir jusqu'à ce qu'il soit écrit auprès d'Allah, jusqu'à ce qu'il soit écrit auprès d'Allah comme étant un menteur. Et après, il a mentionné le contraire pour celui qui dit la vérité. وعليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. Et je vous incite à dire la vérité, que la vérité guide vers la bonté, la piété, et la piété guide vers le paradis. Et le serviteur continue à dire la vérité. Il se force à dire la vérité jusqu'à ce qu'il soit écrit auprès d'Allah comme étant un véridique, une personne qui dit la vérité. Donc, alhamdoulilah, l'importance de dire la vérité, l'importance de même de s'entraîner à être véridique et à dire la vérité, même si c'est contre nous-mêmes. Après, le cheikh dit wal-mutatabbi' نعم وإن المتتبع لما قام به أئمة الإسلام في نصرة في هذا الدين أوكي ومن ذلك الرد على المتبعة يجد أن أئمة الإسلام تكلموا في أهل البدع وفي الرواة ولم يشيروا إلى الموازنة بين الحسنات والسيئات. Donc il dit, celui qui suit maintenant, qu'est-ce que les imams de l'islam ont fait lorsqu'ils ont défendu la religion, et comment ils ont réfuté les gens de Bid'ah, on trouve que les imams de l'islam, ils ont parlé des gens de Bid'ah, et ils ont critiqué, et ils ont critiqué les narrateurs, ceux qui mentent, et ceux qui rapportent avec une mauvaise mémoire, ou des choses de ce genre, et ils n'ont pas utilisé ce qu'on appelle al-muwazana, ça c'est une bid'a que des gens aujourd'hui ont inventé. Ils appellent al-muwazana. Quand tu parles de, quand tu critiques quelqu'un, pour avertir les musulmans du mal qu'il a, eh bien tu dois faire mentionner tout le bien qu'il a fait et avant de mentionner le mal. D'accord? Parce qu'ils pensent que ça c'est, pour être juste, tu dois faire ça. Le cheikh il dit que les ulama, lorsqu'ils ont parlé contre les gens de bid'a et contre les narrateurs de hadith qui rapportent des faux hadiths ou qui mentent ou qui ont une mauvaise mémoire, ils n'ont pas mentionné le bien que ces gens-là ont fait, même s'ils avaient dit. وَأَلَّفُوا كُتُبًا فِي الْجَرْحِ وَالْتَعْدِيلِ وَكُتُبًا فِي نَصْرِ السُنَّةِ وَالرَّدْ عَلَى أَهْلِ الْبِدْعَةِ وَفِرَقِهِمْ. Ils ont écrit des livres dans le sujet qu'on appelle al-jarh. Il y a des livres entiers, des volumes entiers, dans lesquels, si on regarde dedans, on trouve le nom de chaque narrateur écrit, et à côté, qu'est-ce que l'imam a dit au sujet de cette personne. Donc tu vas lire un hadith, tu vas lire le nom d'un des narrateurs, et là à côté de son nom c'est écrit « Fulan Kazab », celui-là c'est un menteur. Il y a un autre narrateur, à côté c'est écrit « Ba'if », il est faible. Tu vois un autre narrateur, à côté, tu vas voir une autre description. Et donc, chacun des narrateurs, les ulama de hadith, les imams, ils ont expliqué son statut, son niveau, est-ce qu'il est acceptable, hein. S'ils disent « Oulam Tiqa », il est fiable, quelqu'un de… auquel on peut se référer, donc ils acceptent son hadith. Mais si c'est une personne que les ulama ont mentionné que c'est un menteur ou qu'il n'a pas une sayyul hibr, par exemple, il a une mauvaise mémoire ou des choses de ce genre, ils n'acceptent pas leur hadith. Ça, c'est des exemples. Et de la même façon, on appelle, et ça, c'est une science qu'on appelle al-jarh wa ta'dil. Il y a d'autres livres qui ont été écrits pour défendre la sunnah. Et donc, pour réfuter les gens de Bid'a et les différents groupes. Et le cheikh dit, wa kutuban, fil mawdu'at, c'est-à-dire des hadiths, des livres qui mentionnent seulement les hadiths qui ont été fabriqués, qu'ils appellent al-mawdu'at. Donc, il a trouvé des livres comme ça, dans lesquels seulement les hadiths mawdu'at, les fabriqués qui sont mis dedans, pour avertir les musulmans comprendre ces hadiths-là. Ok? C'est des hadiths qui ne sont pas authentiques du tout, sont fabriqués. وَلَمْ يُجِبُوا هَذِهِ الْمُوَازَنَةِ مِنْ قَرِيبٍ وَلَا مِنْ بَعِيدٍ. Ils n'ont pas obligé personne à suivre cette muwazanah, cette balance-là, ou soi-disant balance entre le bien et le mal de leurs actions. بَلْ أَلَّفُوا كُتُبًا خَاصَّةً بِالْجَرْحِ وَخَصَّصُوهَا بِالْمَجْرُوحِينَ وَتَكَلَّمُوا فِيهَا بِجَرْحٍ وَلَمْ يَشْتَرِطُوا هَذَا الشَّرْطَ لا من قريب ولا من بعيد. Donc c'est ça, le cheikh il répète encore une fois qu'ils ont écrit des livres. Par exemple, le titre d'un livre c'est Al-Majrouhin, ce que les ulama ont critiqué. Et dans ces livres-là, quand tu regardes, ils n'ont même pas mentionné le bien de chacun de ces personnes-là, malgré qu'ils sont qu'on n'accepte pas leur hadith. Et malgré que parmi eux, il y en a que c'était des imams. Et qui avait beaucoup d'ilm dans l'islam, c'est des fuqaha, c'est des muhaddithin, c'est un hadith. Malgré tout, ils n'acceptaient pas le hadith. Soit parce qu'il a une mauvaise mémoire, soit parce qu'il a raconté des mensonges, ou qu'il a mal rapporté certains hadiths, ou parce que, pour d'autres raisons de ce genre. Et certains d'entre eux, c'est des imams, mais en ce qui concerne le hadith, ils n'acceptaient pas aucun hadith. Hein? Donc c'est ça qui est important de savoir, que même s'ils avaient fait beaucoup de bien, même s'ils avaient fait beaucoup d'efforts dans le dîme, mais s'ils n'étaient pas selon les conditions, on n'acceptait pas leur hadith. Le chef dit « وَإِنَّ النَّاظِرْ فِي كُتُبِ أَئِمَّةِ السَّلَفِ يَجِدُ التَّحْذِيرُ مِنَ الْبِدَعِ وَأَهْلِهَا وَلَا يَجِدُ فِيهَا أَنَّهُمْ يَذْكُرُونَ الشَّخْصِ إِلَّا مَقْرُونَةً بِحَسَنَاتِهِ حسناته بسيئاته وبدعه، بل يذكرون مثالب الكتاب أو الجماعة أو الفرق إن تكلم فيه بدون اختلاف أو بدون التفات إلى ما فيه من حسنات. Donc celui qui regarde dans les livres des imams des salaf, il trouve qu'ils ont averti les gens contre la bid'a et contre ceux qui la font, et il trouve que on ne mentionne rien au sujet de ces personnes-là, c'est-à-dire quand on parle d'eux, on parle uniquement du mal qu'ils ont fait ou de la bid'a qu'ils ont ramené, et ils ne mentionnent rien au sujet, par exemple, d'un livre, d'une personne ou d'un groupe, ils ne mentionnent rien de ses bonnes œuvres, de ses bonnes actions, ils mentionnent seulement qu'est-ce qu'ils ont fait de mal. Et le cheikh dit « Unzur ma katabuhu al-imam Ahmad wa ibnuhu Abdullah » وما كتبه البخاري في خلق أفعال العباد وما كتبه الخلال وابن خزيمة في كتب السنة والتوحيد. Il dit, regardez ce que l'imam Ahmed a écrit, ainsi que son fils Abdullah, ainsi que l'imam al-Bukhari dans son livre خلق أفعال العباد, la création des actions des serviteurs. وما كتبه الخلال, الخلال un des élèves de l'imam Ahmad, qu'est-ce qu'il a écrit dans son livre As-Sunnah, et il dit, regardez qu'est-ce qu'il a écrit l'imam Ibn Khuzaymah dans son livre At-Tawhid. Donc tous ces imams là, quand ils ont récité les gens de Bid'ah, ils n'ont pas mentionné le bien, aucun bien au sujet de ces gens là وانظر ما كتبه ابن بطة في الشرح والإبانة وشرح اعتقاد اصول اهل السنه للالكائي ومقدمه شرح السنه للبغوي ومقدمه ابن ماجه والسنه لابي داود في كتابه السنن والحجه في بيان المحجه لابي القاسم التيمي الاصبهاني وانظر مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم والامام محمد ابن عبد الوهاب وانظر مواقفهم وتعاملهم مع اهل البدع. Donc le cheikh il dit, regardez les livres des imams comme Ibn Battah et Al-Lalaka'i et Al-Baghawi et Ibn Majah et Abu Daoud et Abu al-Qasim al-Asfahani et Ibn Taymiyyah et son élève Ibn Qayyim et Muhammad ibn Abdul Wahhab, tous ces imams-là ont écrit des livres pour réfuter les gens de Bid'ah. Okay? Et il dit, « Qultu, inna ulama al-salaf, qad raddu ala al-tawa'if al-mubtadi'ah. » فقد ردوا على الروافض والقدرية والجهمية والمعتزلة والخوارج والمرجئة والأشاعرة والماتريدية والصوفية كما ردوا على رؤوس المبتدعة كالجهم بن صفوان وبشر المريسي وابن المطهر الحلي والرازي وابن عربي وردوا على الآمدي والغزالي والبكري والخنائي والسبكي وغيرهم. Donc il dit que les ulama des salaf ont réfuté beaucoup de groupes parmi les groupes de bid'a, et ils ont réfuté les rawafid, shi'a al-rafidah, al-qadariya, ceux qui nient al-qadar, al-jahmiya, ceux qui nient les noms et les attributs d'Allah, al-mu'tazila, les gens qui passent al-aql au-dessus des textes du Coran et de la Sunna, et qui nient les noms les attributs d'Allah, de même que les murji'a, et al-asha'ira, et al-maturidiyya, et de même que les soufiyya. Ils ont écrit des livres pour les réfuter, chacun d'entre ces groupes-là. Et ils ont réfuté certains individus, même parmi les gens de Bid'a, comme al-Jahm ibn Safwan, Bishr al-Murrisi, al-Razi, ibn Arabi, le soufi, et al-Ghazali, et al-Bakri, et beaucoup d'autres. Et beaucoup de musulmans, ils ignorent ça. Ils ignorent que parmi les ulama, il y en a des ulama qui ont réfuté ces gens-là, et qui ont clarifié la vérité du mensonge, et qui ont expliqué les erreurs et les égarements de ces gens-là, dans le but de prévenir la Ummah, et de protéger la Ummah contre les déviations, contre les gens qui ont ramené des choses qui ne font pas partie du Coran et de la Sunna. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis contre ces choses-là. وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ السَّلَفِيِّينَ الْمُعَاصِرِينَ اقتفوا أثر سلفهم الصالح في الرد على الطوائف المبتدعة والرد على رؤوس البدعة والضلال، فقد ردوا على الطوائف الصوفية والجماعات الحزبية المعاصرة المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه، وردوا على كل من خالف السنة وهدي السلف الصالح في قليل أو كثير إذا عملوا بذلك نصرة les dînes et l'islam. Et il dit que les ulama salafis de notre époque, ils ont réfuté, ils ont suivi la voie de leurs salafs, et ils ont réfuté tous les groupes de bid'a. On va s'arrêter maintenant, Inch'Allah. On a terminé, je pense qu'on va s'arrêter ici, pour ce dars. Et puis,